Quand vous avez « es » au présent, comme dans « es posible »,« es importante », ça vient du verbe « ser », être. Alors, ça sera, se dit, à partir du verbe « ser ». Sera. Bien, hein? Sera. Alors, comment direz-vous « il dit que ça ne sera pas possible » Dice que no sera possible. Bien sûr, no será, ça ne sera pas, dice que no será possible. Et ça ne va pas être possible de le faire. Attention, en espagnol, on dit ça ne va pas à être possible le faire. Donc, sans la préposition de. Pensez à la phrase en français, mais inversée. Le faire ne va pas être possible. Alors, ça ne va pas être possible de le faire. No va ser posible hacerlo. Vous pouvez le redire encore? No va ser posible hacerlo. Va ser. Va ser. Possible à faire-lo. Possible à faire-lo. Tout à fait. No va a ser possible à faire-lo. Ça ne va pas être possible de le faire.